La cérémonie de remise du prix international Kim Il-sung à Alexandr Andreevich Prohanov, rédacteur en chef du journal Zabudra de Russie, a eu lieu le 7 juillet à Moscou. Dans la salle de cérémonie est exposé le portrait en sourire du président Kim Il-sung. Y ont pris part le conseiller du président russe et autres personnalités des milieux politiques, sociaux et militaires de Russie, les administrateurs du conseil du prix international Kim Il-sung, l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs en Russie, ainsi que la délégation de la Société des sociologues coréens en visite en Russie. Les participants ont tout d'abord formulé leur hommage sublime au président Kim Il-sung. Après la lecture de la décision du Conseil du prix international Kim Il-sung, on a remis à Prohanov le diplôme, la médaille et le souvenir.